Personne n'est obligé de tout accepter. On peut sans rien renier vouloir avancer. Qu'importe le passé qu'on porte derrière soi, on peut pas croire que les portes ne s'ouvrent pas. Personne n'a d'avance un avenir tracé. Tout ce qu'on peut prédire se passe à côté. On survit au pire pour encore être là. On sait comment, il reste à savoir pourquoi. Personne n'est personne. Personne n'a d'avance un avenir tracé.